Oh, mon Ferrer, c'est bref, trop cool de te voir. Je me sentais un peu seule au fond de ce placard. Toi aussi, t'en remplacé. Oui, ma petite bouille noire. Par un nouveau, soi-disant qu'il repasse plus vite. Oh la loose! Je te ferai bien un thé, mais je suis débranchée. Oh là là, on sert vraiment à rien ici. C'est sûr, mon Fer. Et pour l'ambiance, on repassera. Ne gardez pas les appareils électriques que vous n'utilisez plus. Faites-en profiter un proche ou donnez-les à un réseau solidaire. Trouvez votre point de collecte sur écosystème.eco. Écosystème, recycler, c'est protéger. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, une rencontre, celle d'une ville, Alger, et d'un mouvement révolutionnaire américain, les Black Panthers. À la fin des années 60, Alger est la capitale mondiale de la lutte contre l'impérialisme. L'Algérie de Boumédienne, indépendante depuis 1962, apparaît comme un modèle d'émancipation, accueille et soutient financièrement des mouvements de libération nationaux et des formations d'opposition, comme le parti anti-apartheid de Nelson Mandela, que le FLN au pouvoir forme aux techniques de guérilla. Aux États-Unis, les militants afro-américains du Black Panthers Party, pourchassés par le FBI, doivent surtout choisir l'exil. Et Alger apparaît alors comme une destination de choix, d'autant que le gouvernement algérien leur déroule le tapis rouge. Mais l'entente ne durera qu'un temps. Après quelques années d'une amitié mouvementée, les Black Panthers sont invités à quitter le territoire en 1972. Retour sur un morceau d'histoire méconnu où se croisent des militants du monde entier, des pirates de l'air, des militaires du FLN, des consommateurs de LSD et Nina Simone. Notre invité aujourd'hui, l'historien et écrivain Sylvain Patieu. Il est l'auteur du livre « Panthères et pirates, des Afro-Américains entre lutte des classes et Black Power » publié aux éditions La Découverte l'an dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Jeanne Mayer, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Juillet 1972, Miami. Sur le tarmac de l'aéroport international de la ville, un homme en maillot de bain rayé s'avance vers un avion de ligne avec une grosse valise dans les bras. D'autres hommes, à moitié nus, eux aussi, le regardent avec anxiété s'approcher du DC-8 dont la porte avant est grande ouverte. Ce sont des agents du FBI, oui, et la valise est pleine de billets de banque. À bord de l'avion, deux femmes et trois hommes jubilent. George Brown, George Wright, Joyce Tillerson, Melvin McNair et sa femme Jean McNair. Ils ont 25 ans en moyenne. Ils sont tous afro-américains. Et ils ont embarqué à Détroit un peu plus tôt dans la journée pour détourner cet avion vers l'Algérie. Leur intention, s'y établir et dénoncer le racisme dont ils font l'objet aux États-Unis. C'est pour être certain que les agents du FBI sont bien désarmés que les cinq pirates leur ont demandé de se déshabiller. Et c'est une réussite. Au terme de 2 heures de négociations avec les autorités américaines, le FBI accepte de délivrer, en maillot de bain donc, la rançon réclamée, $1 million. Les pirates de l'air, dont c'est le premier coup du genre, laissent alors les 94 passagers descendre de l'appareil sans avoir exercé sur eux la moindre violence. Certains voyageurs sont quand même traumatisés, mais beaucoup estiment que les preneurs d'otages sont restés très calmes et très cordiaux durant le vol qui les a menés de Détroit jusqu'à Miami. Pour détendre l'atmosphère, les ravisseurs ont même diffusé des morceaux du top 50 dans la carlingue. Puis, quand tous les passagers ont débarqué, l'avion repart avec son bord Brown, Wright, Tillerson, le couple McNair et le personnel navigant. Direction Alger, donc. La pression descend alors d'un cran et les discussions s'engagent entre les pirates et les membres d'équipage. Oui, on parle racisme, mais aussi végétarisme, mariage et même éducation des enfants. Car les pirates ont emmené avec eux leur progéniture, 3 petits d'un et de 2 ans. On rentre à la maison, se félicite leurs parents, d'origine africaine par leurs aïeux et qui s'apprêtent à fouler le sol africain pour la première fois. Le 1er août 1972, le DC-8 atterrit à l'aéroport d'Alger. Des militaires ainsi que des agents des services secrets algériens accueillent cordialement les otages et leurs ravisseurs. Il y a aussi des militants des Black Panthers venus souhaiter la bienvenue à leurs compatriotes et camarades de lutte. Les pirates déposent alors leurs armes et l'un d'entre eux s'agenouille pour embrasser le sol. Car il a trouvé une patrie. C'est du moins ce qu'il pense alors. Mais comment et pourquoi, en 3 ans, Alger est-elle devenue le rêve ultime de ces 5 pirates de l'air? Au lendemain de l'indépendance de l'Algérie en 1962, le pays se pose en terre d'accueil et en modèle des luttes anticoloniales et révolutionnaires. Houari Boumediene, chef de l'État et président du parti unique, le FLN, va faciliter, organiser et financer la venue de tous ceux et celles qui luttent dans le monde contre la colonisation et l'impérialisme. La capitale du pays, Alger, devient rapidement une plateforme où transitent et se forment des représentants des mouvements de libération du monde entier, des guerriers, des déserteurs, des exilés politiques venus d'Angola, du Vietnam, d'Afrique du Sud, d'Amérique latine, du Cap-Vert ou de Palestine. Et tandis qu'Alger la Blanche se mue en Alger la Rouge, carrefour des révolutions, à l'autre bout de la planète, d'autres luttes s'affirment. Pas plus que Baltimore et Washington, Chicago n'a été épargné par les violences raciales qui ont fait 9 morts, tous des Noirs. Les incendies ont causé dans la ville des dégâts considérables. Gardes nationaux et policiers ont été placés sous contrôle fédéral. Au total, quelques 20 000 hommes, dont 5 000 soldats, ont pris position à Chicago. La capitale fédérale offre le spectacle d'une ville en guerre, ce qui n'a rien de surprenant avec l'entrée en vigueur du couvre-feu et l'arrivée de renforts. We've got some difficult days ahead. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. Après l'assassinat de Martin Luther King en 68, les ghettos américains s'embrasent et les émeutes sont violemment réprimées un peu partout dans le pays. Le Black Panther Party, un parti d'autodéfense fondé en 66, envoie alors des patrouilles armées pour protéger la population noire des violences racistes exercées par la police. Car malgré les combats menés par le célèbre pasteur, celui qui avait fait un rêve, malgré la fin officielle de la ségrégation aux États-Unis, les noirs et les blancs ne sont toujours pas égaux dans le pays. Face à l'immobilisme du gouvernement, l'impact du mouvement pour les droits civiques non violents s'essouffle au profit du plus radical Black Panther Party. Dans l'Amérique du président Johnson, déjà secoué par la contestation contre la guerre au Vietnam, ce mouvement révolutionnaire revendique un meilleur accès au logement, à l'emploi et à l'éducation pour les Afro-Américains. Emprisonné en 68 pour homicide, Huey Newton, qui a cofondé le Black Panther Party, en est ici le porte-parole. C'est un programme marxiste-léniniste. Je suis très influencé par la révolution cubaine. Les Black Panthers sont des révolutionnaires réalistes. Nous nous identifions avec la lutte armée de tous les peuples colonisés à travers le monde. La communauté a été très réceptive au fait que je sois en prison. On me considère comme un prisonnier de guerre, ce que je suis. Cela aide à mobiliser la communauté. Mon cas est nettement une confrontation entre la préfecture de police en particulier, entre le pouvoir établi et les Noirs colonisés en général. Comme l'explique Huey Newton devant la caméra d'Agnès Varda pour 5 colonnes à la une, le Black Panther Party entretient effectivement des liens étroits avec les mouvements révolutionnaires et anticoloniaux de ce qu'on commence alors à appeler le tiers-monde. Pour les Black Panthers, la violence que les autorités américaines exercent sur les citoyens noirs et la colonisation, c'est du même ressort. Il s'identifie particulièrement à un ouvrage dont beaucoup vont faire leur livre de chevet, « Les damnés de la Terre » du psychiatre martiniquais Frantz Fanon. Militant auprès du FLN pendant la guerre d'indépendance algérienne, Fanon propose une analyse qui inspire beaucoup les militants du Black Panther Party. Pour eux, l'Algérie est à la fois un miroir et un guide. Jamal Joseph, membre de la section new-yorkaise du parti, se souvient aussi de l'influence qu'a pu avoir sur lui la bataille d'Alger, le film de Gilles Pontecorvo, tourné en 66 et qui a fait l'objet d'une émission d'Affaires Sensibles le 1er décembre dernier. Nous voulons voir dans tout cela un combat de nombreuses années. Il y avait des gens qui se reconnaissaient intellectuellement dans le combat des Noirs, des esclaves libres. Les mots sont peut-être différents des nôtres, mais le langage est le même en termes d'oppression. Et en prison, cela devient très politique. C'est l'histoire de Malcolm X. Et c'est aussi l'histoire de plein de gens du parti Black Panther. J'ai été chez les Black Panthers pendant 6 mois et j'ai été arrêté alors que j'avais 16 ans. Et j'ai été arrêté pour conspiration, des portes d'armes illégales. Et mon dossier est devenu le 21e dossier des Black Panthers de New York. Dès 1967, le directeur du FBI, Edgar Hoover, étend son programme de contre-espionnage au Black Panther Party. L'objectif de ce programme, très secret, dont les Américains nieront longtemps l'existence, est de perturber les activités des organisations politiques dissidentes aux États-Unis, comme le Parti communiste américain, les Amérindiens de l'American Indian Movement, ou des groupes d'extrême droite, comme le Ku Klux Klan. Mais la menace la plus sérieuse pour la sécurité interne du pays, en tout cas pour Edgar Hoover, c'est le Black Panther Party. Infiltration, assassinat ciblé, faux témoignages, le FBI va tout mettre en œuvre pour neutraliser les Panthères Noirs. Parmi ces cibles, il y a bien sûr Huey Newton, le cofondateur du parti, et de nombreux militants qui sont parfois amenés à s'exiler. Parmi eux, le directeur de l'information du Black Panther Party, Eldridge Cleaver, un autre personnage important dans cette histoire. Cleaver a 33 ans quand il doit prendre la fuite avec son épouse, Kathleen Cleaver, pour éviter d'être condamné abusivement comme le sont de nombreux militants afro-américains à cette époque. Accusé d'avoir blessé un officier lors d'une fusillade, il réfute toute responsabilité et il dénonce une embuscade de la police. Cleaver est un repenti. Déjà condamné pour viol 10 ans plus tôt, il a découvert Malcolm X en prison avant de publier un essai à succès en 1968, Solon Eyes. Il y fait son mea culpa à travers le récit de sa prise de conscience politique. Sa disparition et son exil sont largement médiatisés aux États-Unis. En juin 68, après un détour par Cuba, Cleaver arrive secrètement à Alger avec l'aide du journaliste Ali Habib, qui raconte au micro de Sam Boutata sur France Culture. Tous les mouvements de libération antidictatoriaux avaient pignon sur rue en Algérie. Il y avait surtout la lutte de l'apartheid en Afrique du Sud, il y avait les mouvements asiatiques. Tous ceux qui demandaient asile en Algérie pour des idées idéologiques ou de révolution nationale non, mais de libération antidictatoriale, pouvaient venir en Algérie. C'est comme ça qu'on a pu dire que Alger était la capitale de la révolution, mais ça à travers aussi le mouvement des non-alignés. C'est une militante anticoloniale américaine, Elaine Mortefi, qui a contacté le journaliste Ali Habib pour qu'il trouve un appartement au couple Cleaver, militant des Black Panthers. Elaine Mortefi est alors une personnalité singulière à Alger. Née à New York dans une famille juive, cette militante du FLN, amie de Frantz Fanon, a vécu 10 ans à Paris avant de s'installer en Algérie en 1962. Elle y travaille pour l'État algérien comme interprète. Et c'est elle qui va permettre à son compatriote Cleaver de s'installer durablement à Alger. Le 17 juillet 69, le ministre de l'Information des Black Panthers annonce officiellement son arrivée lors d'une conférence organisée par le service de presse algérien. L'assemblée est composée de journalistes, de diplomates, d'étudiants et de représentants des différents mouvements de libération présents à Alger. C'est l'occasion pour le militant en exil de communiquer une information importante pour les Black Panthers. Cleaver fonde ici en Algérie la première section internationale du parti afin d'accueillir tous les militants noirs menacés par le FBI sur le territoire américain. Il s'engage également à soutenir les autres organisations révolutionnaires présentes dans le pays. Avec son pantalon moulant et sa boucle d'oreille, Cleaver, 34 ans, fait sensation. D'autant que c'est un orateur hors pair qui sait parler à son public. Le réalisateur américain William Klein ne s'y trompe pas et fait de lui le héros de son documentaire. We came over here to do what we can to communicate to you what's happening in our struggle in the United States. Nous sommes venus ici pour faire tout ce qui est à notre pouvoir afin d'essayer de vous expliquer ce qui se passe aux États-Unis. And to learn what is happening over here, and what have been the successes, and what have been the failures, and what are the dangers that we must be aware of. Et nous sommes venus aussi pour essayer d'apprendre quel est votre combat, quels ont été vos problèmes, quels sont les erreurs qu'il nous faudra éviter. The United States of America is the backbone of oppression in the world. The blows that we strike against the empire there will also aid the liberation struggles in Africa, Asia and Latin America as we aid ourselves in Babylon. Donc notre but, c'est la destruction du système capitaliste chez nous, parce que nous sommes conscients que le système américain représente la colonne vertébrale de l'impérialisme américain qui s'étend partout dans le monde. À l'été 69, alors que militant des Black Panthers, Eldridge Cleaver s'installe en Algérie pour fuir une condamnation judiciaire qu'il juge politique, Alger se prépare avec impatience à son premier festival culturel panafricain. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues dans la capitale pour célébrer la construction d'une unité africaine autour de musiciens, de danseurs, d'écrivains et de penseurs venus de tout le continent. Le 21 juillet 1969, alors que Neil Armstrong pose le pied sur la Lune, la ville blanche lance son festival. Je ne vois pas quel bénéfice l'humanité retirera de deux astronautes atterrissant sur la Lune pendant que des gens sont assassinés au Vietnam et meurent de faim, affirme Cleaver à un journaliste lors de l'inauguration du festival panafricain. Pendant 9 jours, les rues d'Alger vibrent au rythme des spectacles de danse, des concerts et des conférences qui se tiennent partout dans la ville et jusque tard dans la nuit. Parmi les 24 pays invités, un seul n'est pas africain, les États-Unis. Par le biais du Black Panther Party, que les autorités ont autorisé à ouvrir un stand, oui, le centre d'information afro-américain. Cleaver s'en félicite devant la caméra de William Klein. Votre centre a un très très grand succès. Oui. Vous montrez à notre population une expression culturelle qui contribue à la lutte politique, et ça, c'est vraiment très important. À une époque où les hommes peuvent aller dans l'espace, les Noirs, eux, restent sous contrôle alors qu'ils veulent être libres. Quand vous êtes opprimé, que vous devez lutter, eh bien la seule culture qui vaille, c'est la culture révolutionnaire. La délégation du Black Panther Party qui a rejoint Eldridge et Kathleen Cleaver à Alger pour le festival loge à l'hôtel Aleti, où les militants afro-américains dînent chaque soir avec les représentants des mouvements de libération africains lors de grands repas politiques et festifs. Car le festival est avant tout un lieu de partage et de culture, et c'est unique à l'époque. On y écoute entre autres Nina Simone, militante pour les droits civiques aux États-Unis, la sud-africaine Myriam Makeba, ou le saxophoniste Archie Shepp, qui donne un concert exceptionnel avec des musiciens touareg. Il se souvient, au micro de Saham Boutata, sur France Culture. En arrivant, we kissed the ground. C'est-à-dire, c'était la première fois que nous étions en Afrique. Pour nous, c'était vraiment impressionnant. Le festival était pan-africain, pas maghrébien, dans ce sens-là. Et tout le monde qui était là, c'était une réunion des enfants d'Afrique. Nina Simone était là, Kwame Ture, Stokely Carmichael, Miriam Makeba, des gens de partout en Afrique, même quelques Indiennes étaient là, je me souviens. France Inter, Affaires sensibles. Kléber et sa femme, exilés des États-Unis, sont les premiers Black Panthers à s'installer à Alger. Ils sont rapidement rejoints par d'autres militants, comme le spécialiste des armes à feu, Donald Lee Cox, membre du comité central du parti et cible privilégiée du FBI. Accusé d'avoir orchestré l'assassinat d'un autre Black Panther, Cox trouve refuge en Algérie avec une trentaine d'autres membres du parti en 1970. Mais les financements qui arrivent de collecte de dons menés aux États-Unis viennent bientôt à manquer. D'autant que le gouvernement américain bloque les droits d'auteur que Cleaver doit recevoir pour la publication de son livre choc, Soul on Ice. Le militant demande alors à Hélène Mortefi, l'interprète américaine qui l'a aidé à s'installer à Alger, de jouer de ses contacts auprès du gouvernement algérien. À l'été 70, l'Algérie apporte son soutien officiel au Black Panther Party avec la mise à disposition d'une villa de deux étages à El Biar, sur les collines qui surplombent Alger, autrefois habitée par une délégation vietnamienne. À cela s'ajoute une allocation mensuelle en liquide et des papiers d'identité qui permettent aux militants exilés de voyager librement dans et hors du pays. Hélène Mortefi raconte au micro d'Olivia Gesbert sur France Culture. Mais c'est un bureau actif où ils sont en exil. Oh non, ils étaient très actifs. Ils se sont organisés presque de façon militaire. Tous les jours, il y avait un ordre du jour. Et chacun avait ses responsabilités. C'était très bien organisé. C'était vraiment organisé à l'américaine. Et les États-Unis laissent faire? Oui, ils pouvaient pas faire autrement. D'ailleurs, il n'y avait pas de relations diplomatiques à l'époque entre Alger et Washington. C'était après la guerre de six jours. L'Algérie avait rompu ses relations diplomatiques avec les États-Unis à l'époque. Désormais, la lutte contre l'oppression des Afro-Américains aux États-Unis s'organise également et de manière officielle en Algérie. Dans un pays où les États-Unis n'ont même pas d'ambassade, les Black Panthers vont également développer une stratégie diplomatique. Ils s'entretiennent par exemple avec des représentants chinois, palestiniens et coréens. Cleaver est même invité en Corée du Nord par les autorités de Pyongyang, où il passe un mois au cours de l'année 70 pour participer à des conférences, puis assister à l'accouchement de sa femme, Kathleen. La petite fille portera d'ailleurs un prénom coréen, Do-Yoo Young-Gi Cleaver. À Alger, pendant ce temps, Donald Lee Cox, le spécialiste des armes du Black Panther Party, propose des stages d'entraînement à l'autodéfense. Les Panthers étaient des stars à Alger, explique celle qui joua pour eux le rôle d'intermédiaire, Elaine Mortefi. Des stars américaines qui roulent en décapotable et fréquentent très peu les Algériens. Les Black Panthers ne lisent pas la presse locale, ne s'aventurent jamais hors de la capitale et méconnaissent l'histoire de l'Algérie. Non seulement ils ne parlent ni arabe ni français, mais ils ne montrent pas toujours une volonté s'adapter aux coutumes du pays qui les accueille. En 70, la section internationale du parti reçoit Timothy Leary, un universitaire américain en exil connu pour son travail sur le LSD, égéri également de certains grands groupes de pop et de rock anglo-saxons. Les Black Panthers entendent ainsi créer des ponts entre la contre-culture blanche et leur propre combat. Mais ils vont rapidement devoir se défaire de Leary après l'avoir retrouvé nu dans le désert en prise avec ses hallucinations psychédéliques. Cela dit, c'est un épiphénomène, car c'est surtout le leader, Clever, que les autorités algériennes voient d'un mauvais œil désormais. Non seulement le militant qui s'est marié entretient une relation amoureuse avec une lycéenne algérienne de 16 ans, mais il tremble dans une affaire de meurtre, comme l'explique le réalisateur William Klein, qui l'a filmé en 70. Les Algériens l'ont invité, mais c'était un Américain, Eldridge Cleaver. Alors, il voulait des bons vêtements, il voulait une bonne voiture, il voulait une belle maison. Cleaver était un homme un peu pourri par la gloire et la position qu'il avait chez les Black Panthers. Et en Algérie, il y a eu des histoires. On raconte qu'il a tué, il a fait tuer un homme qui a couché avec Kathleen Cleaver. On ne sait pas si c'est vrai. Et Cleaver était impliqué dedans. Au fil des années, les relations entre le régime de Boumediene et les Black Panthers vont se tendre. Non seulement certains militants dérangent, mais le mouvement lui-même perd de son intérêt aux yeux du pouvoir algérien. Car le Black Panther Party est sur le déclin, en Algérie comme aux États-Unis. La faute aux pressions incessantes exercées par le FBI sur les militants, mais aussi à des divisions internes qui fragilisent le parti au point de le faire exploser. Car deux courants s'opposent. D'un côté, celui d'Huey Newton, le cofondateur du Black Panther Party, qui veut privilégier le développement des survival programs, autrement dit, distribution de petits déjeuners, consultations médicales gratuites, logements en coopérative, ces programmes sociaux qui ont fait le succès des Black Panthers aux États-Unis depuis 1969, et de l'autre, Clemmer, toujours exilé à Alger, qui estime, avec d'autres, qu'il est temps de passer à la guérilla urbaine aux États-Unis. Quand on l'interroge dans les rues d'Alger, il répond sans embâge devant la caméra du réalisateur William Klein, notamment. On veut savoir aussi quels sont les moyens qu'ils ont pour parvenir à leur but. Guns. Uniquement le fusil. And bombs, just like you had to do it here. With the ideology for liberation and with fighting men who would put the ideology into practice. Ils veulent se battre comme vous vous êtes battu ici, avec la même idéologie et pour le même but. Et Huey Newton, qui dirigeait Black Panthers d'une main de fer, va finir par exclure Clever et la section internationale du parti à Alger, ainsi que d'autres groupes insubordonnés, comme les Panthers 21 de New York. Sur les deux continents, le mouvement perd en crédibilité et se disloque petit à petit. Et c'en est terminé des milliers de demandes d'adhésion que le parti recevait il y a quelques mois encore. À Alger, les Panthers étaient 37 en 1970, ils ne sont plus que 7 deux ans plus tard. Et plus pour très longtemps. C'est du ciel que le couperet final va tomber. À l'époque, le détournement d'avions, quand il ne relève pas du braquage, de bandits, est un mode d'action politique régulièrement convoqué par des groupes colombiens, palestiniens, grecs ou américains. Et aux États-Unis, on peut même parler d'une habitude. Entre 1961 et 1972, 159 avions en effet sont détournés par des pirates plus ou moins politisés, souvent vers Cuba, où Fidel Castro menait la restitution des avions. 10 millions de dollars américains, c'est le détournement le plus cher de l'histoire de la piraterie aérienne, le plus dangereux aussi, puisque les trois hommes, à un moment donné, avaient menacé de précipiter l'appareil sur une centrale atomique. Samedi matin, 7h, Cleveland, Ohio, cela fait 10h que le DC-9 de la ligne Birmingham-Jackson dans le sud des États-Unis est aux mains des pirates de l'air. 26 passagers, 4 membres d'équipage, 3 hommes armés à bord. Quelques heures plus tard, nouvelle escale, Toronto. Les pirates réclament 10 millions de dollars, 50 millions de francs, des parachutes, des gilets pare-balles. Le DC-9 repart, destination inconnue. 16e heure, Oak Ridge. Une menace presque incroyable, les trois pirates annoncent froidement par radio qu'ils se saborderont en faisant s'écraser l'appareil sur la centrale atomique proche de la ville s'ils n'obtiennent pas leurs 10 millions de dollars. En En vérité, les compagnies aériennes préfèrent gérer quelques détournements plutôt que d'investir pour changer en profondeur leur mode de fonctionnement. C'est donc sans trop de difficulté que Roger Holder, un ancien combattant du Vietnam, traumatisé par la guerre et le racisme, et sa compagne Cathy Kerkhove, militante antiraciste hippie, prennent le contrôle du vol Western Airlines 701 Los Angeles-Seattle. Et ils atterrissent à Alger le 2 juin 1972 avec les 500 000 dollars qu'ils ont obtenus en rançon lors d'une pause à San Francisco. Holder et Kerkhove, que les médias comparent à Bonnie and Clyde, ne sont pas des militants du Black Panther Party, mais ils affirment agir en son nom. Sur le tarmac d'Alger, Clemmer vient donc les accueillir. Il veut les rencontrer, mais aussi récupérer l'argent qui pourrait venir compenser les pertes occasionnées par son exclusion du parti. Problème, le gouvernement algérien, venu lui aussi souhaiter la bienvenue aux pirates, a déjà saisi la rançon et remboursé les États-Unis. Financièrement, le détournement de Roger Holder et Cathy Kerkhove est donc un échec. Il va pourtant en inspirer bien d'autres. Détournement d'avion aux États-Unis, un DC-8 transportant 94 personnes et 6 hommes d'équipage a été neutralisé par plusieurs pirates de l'air peu avant son atterrissage à Miami. Les pirates exigent une rançon $1 million, soit 5 millions de francs. Ils demandent aussi que le pilote mette le cap sur l'Algérie. Actuellement, l'appareil est en bout de piste à Miami. Nous n'avons pas d'autres détails. 2 mois à peine après le détournement de Roger Holder et Cathy Kerkhove, un deuxième avion atterrit à Alger. À son bord, un couple de pirates de l'air afro-américain, Melvin McNair, déserteur de l'armée américaine, et Jean McNair, accompagné de leurs amis George Brown, George Wright et Joy Tillerson, ainsi que de leurs enfants. Oui, c'est bien le groupe dont nous avons parlé en début de récit. Les McNair entendent eux aussi rallier l'Algérie pour dénoncer le racisme qu'ils subissent dans leur pays et rejoindre les Black Panthers sur la terre de leurs ancêtres. Le détournement se passe sans encombre, la famille pirate, comme l'appellent les médias, est non-violente, et de nouveau, le gouvernement algérien l'accueille cordialement. Pourtant, le rêve algérien va tourner court, comme l'explique Melvin McNair au micro de Charlotte Perry sur France Inter. Quand on est arrivé en Algérie, tellement content que j'ai embrassé la terre, et service secret algérien... On dit, OK, pas de problème, vous êtes le bienvenu chez nous. C'est après, on s'est rendu compte qu'il y avait justement des... On ne savait pas les histoires, on ne savait pas les conflits, on ne suivait pas comme ça, mais on était parti pour découvrir quels étaient les conflits des Panthères en Algérie. Donc, comme nous sommes arrivés, ils étaient prêts à partir. Et donc, le fait que nous sommes venus avec $1 million, et quoi qu'ils pouvaient récupérer $1 million... pour les aider à partir. À l'arrivée, la famille pirate va de déception en déception. Non seulement l'argent est de nouveau renvoyé aux États-Unis, mais les Black Panthers, tant admirés, et que les McNair pensaient rejoindre dans leur lutte, sont en très mauvaise posture. Quand il comprend que Boumediene l'a doublé une deuxième fois, Clemmer s'emporte. Il envoie une lettre ouverte au chef de l'État algérien. « En nous privant de ses finances, on nous prive de notre liberté », écrit-il. Sans imaginer que ceux qui l'ont accueilli à bras ouverts 3 ans auparavant pourraient prendre la mouche. Et ce qui devait arriver arrive. Le 10 août 1972, la police algérienne perquisitionne la villa que les autorités prêtent aux Black Panthers et assigne ses hôtes à domicile. La lettre de Clemmer est un affront que Boumediene ne peut tolérer, d'autant que ses détournements d'avion le mettent dans une situation inconfortable vis-à-vis des États-Unis. Ça tombe mal. Il se trouve que grâce, ou à cause, du gaz et du pétrole que possède l'Algérie, les relations entre les deux pays se sont récemment apaisées et les Black Panthers sont devenus une épine dans le pied de l'Algérie. Écarté par son chef aux États-Unis, disqualifié par ses protecteurs algériens, Clemmer doit partir, bientôt suivi par l'ensemble des Panthers exilés dans la capitale. L'amitié qui lie Alger aux militants noirs se brise, définitivement. Alors, Clemmer embarque pour la France à bord d'une Renault 16 avant de revenir aux États-Unis en 1975. Il y connaîtra un parcours chaotique entre prison, addiction, conversion religieuse et politique, puisqu'il finit, dans un étonnant revirement, par se présenter en Californie à l'investiture pour le Sénat sous les couleurs du Parti républicain, un comble. Certains de ses camarades de la section internationale algéroise s'installent, eux, en Tanzanie. Tandis que Alain Mortefi, leur intermédiaire auprès du régime de Boumediene, doit quitter l'Algérie pour la France, après avoir refusé de collaborer avec les renseignements algériens. Quant à Roger Holder, Cathy Kerkhove et la famille Pirate, ils trouvent eux aussi refuge en France, où Melvin McNair vit encore aujourd'hui. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les Black Panthers Alger, dont nous allons parler avec notre invité Sylvain Patieu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, écrivain, auteur du livre intitulé « Panthères et pirates des Afro-Américains entre lutte des classes et Black Power », publié aux éditions La Découverte l'an dernier. Alors, en racontant et en écoutant cette histoire, ça dépend de quel côté on se place, on s'aperçoit à quel point notre vision du conflit algérien est très franco-français, finalement. Et cette dimension internationale, le fait que ces combattants du FLN apparaissent pour tous les combattants de mouvements d'émancipation, on s'aperçoit à quel point c'est un modèle. On ne le savait pas, forcément, et c'est une découverte. C'est ça qui vous a intéressé, vous ? Oui, ça m'a bien sûr passionné dans cette histoire, et c'est vrai que cette histoire de ces militants du Black Panther Party qui se retrouvent à Alger, elle est assez fascinante. Et pour donner un exemple, Don Cox, par exemple, donc ce dirigeant du Black Panther Party qui s'est retrouvé à Alger, d'abord il raconte dans ses mémoires que les militants du Black Panther Party devaient lire, parmi les livres qu'ils avaient à lire pour leur formation, il y avait Frantz Fanon, donc ce psychiatre martiniquais qui était passé pendant la guerre d'Algérie du côté du FLN. Et puis il raconte aussi que la première habitation qu'il a occupée quand il est arrivé en Algérie, c'était à la Pointe Pescade, et c'est un quartier d'Alger, quoi, enfin pas loin d'Alger. Et il était très heureux parce que en fait, la Pointe Pescade, c'était là, de là d'où venait Ali Lapointe, qui est un des personnages, voilà, qui se fait exploser dans la Casbah pour échapper à l'armée française. Pour la bataille d'Alger, d'ailleurs. Voilà, et donc il s'appelait Ali Lapointe parce qu'il était de la Pointe Pescade. D'accord. Et Don Cox est très ému de loger à cet endroit-là, et il dit « J'avais l'impression d'arriver dans une terre révolutionnaire ». Et alors à ce propos, parce qu'on est, faut vous rappeler qu'en 62 et pendant les années qui vont suivre, jusqu'à 72, on est en pleine guerre froide. On sait par exemple que certains militants palestiniens s'entraînaient en RDA. Est-ce que les soviétiques, enfin le camp de l'Est, s'est engouffré dans la brèche et a vraiment soutenu tous ces mouvements et a soutenu l'Algérie dans son soutien à ces mouvements? Alors au début, les Black Panthers étaient plutôt soutenus par la Corée du Nord et par la Chine. Et puis... à la fin, quand ils se fâchent un peu avec avec le gouvernement algérien et qu'ils sont plus trop en odeur de sainteté à l'ambassade coréenne ou à l'ambassade chinoise, là, l'URSS se tourne vers eux. Et Don Cox raconte par exemple que lui, c'est l'URSS qui l'a aidé à quitter l'Algérie. Mmh. Et il avait échangé des plans de centres militaires américains contre le fait de pouvoir partir de l'Algérie. Alors, il y a un couple attachant parmi d'autres hein, dans cette histoire, c'est le couple McNair, dont on a parlé dans le récit, Jean et Melvin, qui ont participé avec trois autres personnes au détournement de l'avion vers Alger en 1972, avec cette scène des gens du FBI, et puis ces gens du FBI qui arrivent torse nu pour être sûr qu'ils sont pas armés. Voilà, en 1972, alors qu'ils s'apprêtent à détourner cet avion pour rejoindre les Black Panthers en Algérie, qui sont Melvin et Jean McNair? Quelle est leur vie à ce moment-là? Eh bien, c'est des Américains ordinaires, des Afro-Américains ordinaires qui ont basculé dans l'extraordinaire avec ce détournement d'avion. Mais ils étaient le fruit, en fait, des avancées qu'il y avait eu pour les droits civiques. Ils étaient tous les deux de milieux populaires, mais avec des familles bien structurées, des familles qui les aimaient, qui les soutenaient. Et ils ont tous les deux réussi à aller à l'université. Mmh. Jean, parce qu'elle était bonne à l'école, et Melvin, parce qu'il était bon en sport. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a des bourses pour les sportifs. Et donc, quand ils arrivent à l'université, vraiment, ils ont un destin tout tracé d'Afro-Américains moyens qui auraient pu avoir un pavillon et avoir une famille. Et puis, Melvin, c'est le quarterback de l'équipe de football américain. Donc, vous savez, le quarterback, c'est le beau gosse, celui qui sort avec les cheerleaders dans les séries américaines. D'accord. Et donc, c'est quelqu'un qui est plutôt, qu'on aurait pu penser plutôt du côté de l'ordre. Oui, mais ce qui les fait passer du côté de la révolution, c'est, il y a trois aspects. Le premier, c'est les limites auxquelles est confronté le mouvement des droits civiques, c'est-à-dire avec l'assassinat de Martin Luther King et puis la violence des Blancs et de la police. La deuxième limite, c'est la guerre du Vietnam. C'est-à-dire que cette guerre du Vietnam, elle hante tous les jeunes Américains. Ils ont peur d'être envoyés combattre, d'être envoyés pour tuer et pour mourir au Vietnam. Et puis, troisième élément, c'est la révolte de la jeunesse qu'il y a au niveau mondial et qui les touche aussi. Et donc, Melvin organise une grève de l'équipe de football américain. Donc, il se fait virer de l'université à cause de ça. Mmh. Et il est envoyé au Vietnam. Il n'est pas au Vietnam, il est envoyé dans l'armée, il est envoyé en Allemagne. Et là, comme il est plutôt contestataire, Jean lui envoie par exemple les journaux du Black Panther Party, et il découvre vraiment le racisme aussi dans l'armée, parce que les officiers blancs sont racistes et une partie des soldats blancs aussi. Eh bien, il décide de ne pas aller combattre au Vietnam quand il est appelé pour le Vietnam, parce qu'il dit « Les Vietnamiens m'ont rien fait, j'ai rien à leur reprocher ». Et donc à ce moment-là, il déserte. Et bien sûr, quand il déserte, il se retrouve dans la clandestinité. Il se rapproche de ses camarades avec qui il a détourné l'avion, qui eux ont un profil complètement différent, plutôt issu des ghettos du Nord, parce que Jean et Melvin, eux, ils viennent de Caroline du Nord, donc c'est un état du sud des États-Unis, mmh. un état qui a connu la ségrégation et l'esclavage. Et, voilà, ouais. Et ils se mettent avec des personnes qui ont aussi été touchées par les Black Panther Party, mais qui ont plutôt un profil de délinquant, plutôt à la Cleaver, et qui se sont politisés en prison. Mais écoutez, on va écouter Melvin McNair. On l'a entendu une fois, ce sera la deuxième fois. Franck Cognard lui a demandé hier quel était son premier souvenir d'Alger quand l'avion détourné atterrit à Alger, donc le 1er avril 72. L'interview commence sur ce thème et se poursuit sur d'autres thèmes. Le premier souvenir, c'était que dès qu'on a atterri à Alger, l'avion était encerclé par l'armée. Donc, il y avait les services secrets algériens qui sont montés au bord. Et donc, ils ont dit, vous êtes bienvenus ici, vous êtes chez vous. Et donc, on va vous mettre en contact avec les Black Panthers. Alger, pour vous, à l'époque, c'était quoi? C'était la liberté? C'était une base de repli pour combattre? Au début, on était un peu utopique. On croyait que c'était l'Afrique avec les éléphants et les girafes. Et donc, voilà quoi. Donc, on était assez... déçu parce que bon, on a déjà, c'était pas la jungle non plus. Donc après, il y avait beaucoup de concret, beaucoup de ciment, donc voilà quoi. Donc aussi beaucoup de misère. Donc après, on était frappé par ce contraste de souffrance et misère. Quand vous résidez à Alger, vous êtes logé, hébergé par le gouvernement algérien qui met à la disposition une maison dans Alger. Vous vous êtes senti prisonnier, libre de faire ce que vous faites? Non, pas du tout prisonnier, mais pas du tout libre non plus. Parce que bon, On était averti que tout le monde n'était pas d'accord avec le fait qu'on était en Algérie. Donc il y avait des Américains d'extrême droite qui étaient là aussi. Donc il fallait faire très attention. On était plutôt confinés. Donc c'était plutôt pour nos sécurités. Donc on a pensé comme ça. Pas de regrets, mais il y a des regrets quand même parce que bon, de toute façon, on est quand même exilé, donc on est un peu éloigné de l'Amérique, on est moins impliqué dans le quotidien au niveau de résistance, donc aussi on a perdu des amis et la famille, voilà quoi. Donc si il y a des regrets et non regrets, donc il fallait faire, il n'y avait pas d'autre solution. Ah, des regrets, vous savez, quand on est interviewé, parfois on se dit « Oh, j'ai oublié de dire ça, c'est important ». Alors, il nous a envoyé un petit message, juste après, hier, pour nous préciser qu'il regrettait surtout, s'il y a vraiment un regret, c'est d'avoir fait souffrir les passagers de l'avion détourné. Et encore, on l'a raconté, ils ont parlé à bâton rompu de choses et d'autres, de la vie. Certes, les passagers ont dû avoir peur quand même, et c'est ça qu'il regrette. Donc, il est à Alger. L'espoir s'ouvre et rien ne se passe comme prévu. Quelle est votre analyse, vous, du changement de situation entre le début où ils arrivent à Alger, ils sont accueillis cordialement et puis ça se délite, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils arrivent à un moment où tout part en capilotade avec cette section internationale du Black Panther Party qui est vraiment sur le déclin. Et tout le monde qui essaye de partir, de s'échapper. Et puis, ils sont en effet confrontés au décalage qu'il y avait entre leur idéal panafricain, leur vision un peu romantique de l'Afrique et de l'Algérie, et puis la réalité. Et quand j'ai dit à Melvin, je lui ai demandé « Mais pourquoi est-ce que tu as voulu quitter l'Algérie ?» Il me dit « Parce que j'aimais bien l'eau chaude et l'électricité. » Et c'est vrai qu'il arrive dans un pays où les conditions de vie sont beaucoup plus difficiles. Et puis, il ne parlait pas français, il ne parlait pas arabe. Puis ce qui les avait fait partir des États-Unis aussi, c'était quand même un idéal de justice sociale, la volonté de continuer le combat. C'est pour ça qu'ils rejoignaient le Black Panther Party, la section internationale. Et puis, ils se retrouvent dans un pays où ils sont hôtes, mais ils sont un peu, ils sont, comme il dit, ils sont un peu confinés. Donc ils peuvent pas mener ce combat-là. Et donc à ce moment-là, la situation devient impossible pour eux et ils essayent de partir. Et ceux qui leur permettent de partir, c'est le réseau Curiel. Donc c'est un réseau français dirigé par Curiel qui lui était un... Il y a une affaire Curiel. Voilà, hein, il y a une affaire Curiel. Absolument. Ouais, il a été assassiné en 1978. Ouais. Et donc Curiel, c'est quelqu'un qui a aidé le FLN pendant la guerre d'Algérie. Donc il est encore lié avec l'Algérie. Il a fait partie des réseaux de porteurs de valises. Lui, c'est un juif communiste égyptien qu'on dit quand même qui a toujours défendu l'URSS, mais en même temps qui n'était pas complètement fâché avec les gaullistes non plus. Mmh. Et donc voilà, il a un réseau, il a converti ses réseaux de porteurs de valises en un réseau qui s'appelle Solidarité, et il en fait bénéficier la famille pirate, et il les fait passer en France, de manière clandestine. D'accord. Les autres ? Pareil, ça se délite aussi pour les autres, Cleaver et compagnie. Oui. Ce sont les mêmes raisons. Le pire exemple, bien sûr, c'est Cleaver. C'est-à-dire que Cleaver, il arrive en France, il devient copain avec Giscard, et Giscard l'aimait bien et arrive à lui faire avoir le statut de réfugié politique. On raconte même que l'histoire du laitier de Giscard, quand il a eu un accident de voiture. Et on a dit, il revenait chez sa maîtresse. Voilà, il revenait d'une soirée chez Cleaver. D'accord. Avec sa maîtresse, sans doute, mais. C'est ce que dit le canard enchaîné de l'époque, en tout cas. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc Cleaver, il devient born again, c'est-à-dire il se convertit de nouveau au christianisme. Il décide de rentrer aux États-Unis. Alors c'est sûr que c'est pas un personnage très sympathique, Cleaver, mais il faut quand même penser aussi au poids de l'exil qui pesait sur lui, et vraiment les États-Unis lui manquaient. Et donc il retourne aux États-Unis et en effet il retourne complètement sa veste. Mais c'est le fruit quand même d'une situation qui a touché les Black Panthers dans les années 70. Mais il y a beaucoup de militants révolutionnaires, de militants d'extrême gauche dans le monde entier, pas que aux États-Unis, qui ont été touchés par des désillusions, du découragement. Et parfois, ça a très mal tourné. Voilà, et parfois, ça a pu mal tourner. Les enfants perdus de 68, c'est ça, voilà. Donc, ça tourne mal, notamment les Brigades Rouges et d'autres. Donc, on est dans ce type de phénomène. D'accord. Donc, la France, j'allais vous demander pourquoi la France, vous avez déjà donné la réponse. Il vit d'abord en clandestinité, sous de faux noms, je crois. Oui. Avant d'être arrêté en 76, jugé en 78 pour détournement d'avion en bande organisée sous la menace d'armes. Mais pourquoi sont-ils jugés par la justice française? Enfin, ça se joue aux États-Unis, ce détournement. Oui, mais il y a des accords, disons, internationaux qui ont été pris pour lutter contre la piraterie aérienne, justement, qui permettent de juger des pirates de l'air dans n'importe quel pays. Enfin, n'importe quel pays qui signe la convention. Et alors, la France refuse de les extrader. Elle les considère comme des... Réfugiés politiques. Des réfugiés politiques, ouais. Alors, ils n'ont pas le statut de réfugiés, mais en tout cas, comme... Elle reconnaît le caractère politique de leur acte et ils sont vraiment jugés comme des Noirs américains. Il y a un collectif d'avocats qui les défend avec Jean-Jacques de Félis. Il y a un comité de soutien aussi. Ouais. Et le fait qu'ils soient Noirs américains est vraiment très important dans leur procès. C'est-à-dire qu'ils ont subi des formes de racialisation quand ils étaient aux États-Unis, c'est évident. Mais quand ils arrivent en France, ces phénomènes de racialisation prennent d'autres formes. Et vous l'écrivez vous-même, c'est le procès du racisme aux États-Unis. C'est ça, voilà. Et qui se déroule en France. Voilà, d'une certaine manière, le travail des avocats va être de donner bonne conscience à la France en disant, voilà, nous, on va les juger, mais on va les juger de façon juste et sans racisme. Et alors, bien sûr, c'est pas le même racisme qu'aux États-Unis. C'est pas un racisme qui va conduire à les exclure totalement. Mais il y a quand même des représentations stéréotypées qu'on voit dans la presse de cette époque et qui les désignent. Mais disons que le fait qu'ils soient noirs américains se retourne en quelque sorte à leur faveur. Ils arrivent à... D'accord. Dans un pays qui n'a pas non plus forcément bien traité ses émigrés, algériens notamment. Hein, oui, bien sûr. Bah, c'est-à-dire que là, on voit que... C'est l'hôpital qui se fout de la charité aussi. C'est ça, il y a un peu ce côté-là, mais il y a aussi le fait que la racialisation, elle prend des formes différentes suivant les origines et... Donc il vaut peut-être mieux être noir américain en France qu'être originaire d'Afrique subsaharienne. On arrive à cette conclusion. On va se retrouver dans même pas 3 minutes après avoir goûté Lucen de Yakuza Hiroshima. Tu es ma petite bombe à moi. Tu exploses comme Hiroshima. Tu es mon rêve et mon cauchemar. Tu me hantes comme Hiroshima. Tu es ma petite bombe à moi. Procès de la famille pirate qui se déroule donc en France, c'est aussi le procès de la conscience et évidemment la gauche réplique, hein, parce qu'à l'époque la gauche c'est la morale. Avant de devenir moraliste, c'est la morale. Et on a Michel Foucault, Paul Ricoeur, Simone Signoret, Guy Bedos ou Delphine Seyri qui viennent les soutenir. Quel est le verdict au bout du compte? Alors, ils sont condamnés à 5 ans de prison, dont du sursis pour les femmes. Mmh. Et donc, les femmes sortent directement après le procès. Elles récupèrent leurs enfants qui étaient partis aux États-Unis quand même pendant 6 ans. Ils avaient été séparés. Et puis, les hommes sortent au début des années 80. Et donc là, la question qui se pose pour eux, c'est de refaire leur vie, de passer de l'extraordinaire du détournement à l'ordinaire de la vie quotidienne. Et donc, et Melvin s'installe dans la ville de Caen, dans un quartier qui s'appelle la Grâce de Dieu, qui est un quartier populaire. Oui, populaire, absolument. Voilà. Où ils deviennent qui est en train de rénover d'ailleurs. C'est ça. Des grands ensembles au nord de Caen, sur la route de Lisieux. Exactement, voilà. Et ils deviennent travailleurs sociaux dans ce quartier. Ils continuent leur combat pour la justice sociale. Et disons qu'ils travaillent pour dans le contexte des années 80 où la banlieue devient stigmatisée. Et eux, ils se battent contre cette stigmatisation. Ils s'étaient battus contre le racisme aux États-Unis et ils se battent pour les jeunes des banlieues en France en organisant par le sport. Pour Melvin, parce que c'est son truc, le sport. Et pour Jean, ça passe par l'aide aux devoirs. Mmh. Et ils deviennent vraiment des interlocuteurs très importants de leur quartier, des intermédiaires entre des populations plus âgées, plus blanches, et des personnes plus jeunes, plus d'origine immigrée. Il y a toujours ce rapprochement qui est fait entre le combat des blancs, qui sont pas des privilégiés, et puis leur propre combat, eux. Il y a toujours ce fil-là. Il y a toujours cet entremêlement des questions raciales et des questions sociales dans leur parcours, qui sont très importants, des questions de classe. Et aujourd'hui, il y a un stade qui porte leur nom, c'est-à-dire que il y a un stade qui a été à Caen, ouais, qui a été baptisé, hein, le stade Jean et Melvin McNear. Donc dans le quartier de la Grâce de Dieu, d'accord. Ils sont très reconnus dans ce quartier. Ils ont été fidèles à leurs principes. Il y a eu cet événement dans leur vie qui a été ce détournement d'avion qu'ils regrettent, hein. Melvin le dit bien qu'il le regrette, mais ils ont continué ce combat pour la communauté. Ils combattaient pour la communauté aux États-Unis et ils ont continué en France. Bien, écoutez, ça sera le dernier mot. Il me reste à vous remercier, Sylvain Patieu, pour tous les détails que vous avez apportés. Je renvoie nos auditeurs à la lecture de votre livre, Panthères et Pirates, des Afro-Américains entre lutte des classes et Black Power. Merci, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui des Black Panthers en Algérie, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Lison Berger.